Alors, mesdames et messieurs, on va reprendre les travaux du colloque pour cet après-midi. J'ai le plaisir donc d'accueillir pour cette première communication un jeune chercheur, Camille Morata, qui va nous présenter ce qui, à la fois, a fait partie de son mémoire de master sur l'utilisation de la mémoire comme support pédagogique, et puis qui est un élément qu'il traitera dans le cadre de sa thèse, donc sur la commémoration des sportifs tombés au champ d'honneur qu'il mène à l'université donc, de Montpellier. Et donc je lui cède la parole pour 25 minutes. Merci. Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs du colloque donc, de m'avoir invité à participer à ce colloque-là. Donc, après le repas, on va digérer un peu en parlant de sport, hein, avec donc la figure de Jean Bouin, hein, donc le soldat Jean Bouin de Marseille à Bougonville, la construction d'un mythe. Donc, le plan, on s'attachera en première partie à la figure donc, de Jean Bouin, donc, c'est-à-dire l'homme, hein, à travers donc, trois axes, le sportif, l'icône, mais aussi le soldat. Et en deuxième partie, nous verrons donc la mythification hein, de ce personnage-là. Alors, une petite biographie. Hein, donc, Jean Bouin, comme malheureusement beaucoup de jeunes hommes de sa génération, a une vie brève, hein, puisqu'elle tient sur un quart de siècle, hein, 25 ans. Il naît donc le 24 décembre 1888 à Marseille, et il décédera donc le 29 septembre à Givré dans la Meuse lors de la première bataille de la Meuse. Donc quelques points sur lesquels on peut se focaliser. Donc marseillais d'origine, donc il faut souligner que c'est un des rares sportifs sudistes hein, sur les sports individuels. La plupart des grandes figures de l'époque sur les sports individuels, que ce soit Georges Carpentier, Octave Lapize ou François Faber sont des nordistes. Hein. Lui, c'est un pur méridional, marseillais, même pour aller pousser jusqu'à la caricature. Hein, il sera à l'école et il aura comme professeur donc, Paul Pagnol, hein, donc le père de Marcel Pagnol. Hein. Donc, il débute l'athlétisme à 15 ans. Et une date importante, c'est en 1904, il est engagé en tant que coursier pour la Société Générale, donc la banque. Et il va faire toute sa carrière donc, dans la Société Générale qui va le sponsoriser pour qu'il puisse donc se consacrer à son entraînement sportif. C'est une des premières figures véritablement sportives qui a bénéficié d'une sorte de sponsoring. Voilà. Alors, le palmarès de Jean Bouin, donc deux bâtons de maréchal véritablement, son titre donc de vice-champion olympique du 5000 mètres aux Jeux olympiques de Stockholm et également son record du monde de l'heure. Il est, en 1913, l'homme qui parcourt donc le plus de distance à une heure, à savoir plus de 19 km/h. À cela, on peut ajouter de multiples titres de champion de France sur 5000 mètres, 10 000 mètres et cross-country. Donc le cross-country, c'est une épreuve de fond sur terrain boueux et accidenté. Et donc, il remportera trois fois le Cross des Nations, qui, pour l'époque, sera un officieux champion du monde de cross-country. Pour vous donner une intensité dans des performances de Jean Bouin, si on prend son record du monde sur le 5000 mètres, il lui permettrait encore au championnat de France de 2017 d'être quatrième. Donc, un siècle plus tard, son record du monde lui vaudrait une place donc, d'élite en France dans un championnat de France. Si on prend en compte donc les progrès en termes d'entraînement sportif, d'équipement, de diététique, c'est pour montrer donc véritablement le sportif d'exception que fut Jean Bouin. Ce fut également une icône du sport, hein, d'un sport qui, avant-guerre, est en pleine médiatisation. Pleine médiatisation parce qu'il y a également donc, un progrès de la diffusion de la presse, hein, de la presse générale, hein, puisque de 1880 à 1914, les tirages quotidiens vont quadrupler. Donc on peut expliquer ça notamment par le fruit de la politique d'alphabétisation hein, de l'école républicaine. Et donc, par effet de vase communicant, ça va aussi se répercuter sur la presse sportive, hein, avec la création des premiers quotidiens qui vont véritablement être durables, hein, le vélo et le plus important, l'autovélo. L'autovélo, on connaît actuellement l'autovélo, puisqu'un de ses héritiers, c'est l'équipe. donc le quotidien que l'on connaît. Donc l'autovélo tire à 50 000 exemplaires par jour hein, en 1913, donc ce qui est quand même un tirage considérable. Hein. L'équipe actuellement tire à 250 000 exemplaires par jour. Un statut de quasi-monopole, hein, alors qu'en 1913, il y a énormément de quotidiens. Donc véritablement, les journaux sportifs vont entrer dans les foyers des Français, hein, et notamment les plus grandes stars de l'époque, dont Jean Bouin. Je vous ai mis également donc, une image. Donc, c'est une image qu'on peut trouver notamment dans les tablettes de chocolat, comme faisait avant Poulain. Les petits-enfants pouvaient collectionner donc, les images. Et donc là, c'est l'édition du chocolat Fabergé qui avait mis une collection sur les sportifs. Et donc, il y a l'image de Jean Bouin. Donc, les petits-enfants peuvent s'amuser à collectionner les images, assouvir leur soif de collection et également de gourmandise. Et Jean Bouin, c'est également une figure qui va... le terme est mal choisi, mais ça va devenir un people pour l'époque, une personnalité qui va être donc l'ami notamment de Maurice Chevalier ou de Mistinguett. Donc véritablement, Jean Bouin va transcender le domaine sportif pour entrer dans celui des personnalités françaises. Alors, j'ouvre une petite parenthèse. S'il y a eu des historiens qui se sont intéressés sur notamment des niches de personnes qui ont payé un lourd tribut à la Grande Guerre, comme Nicolas Beaupré qui s'est intéressé sur les écrivains, Xavier Boniface sur les hommes d'église, on n'a pas eu véritablement d'études d'historiens sur les sportifs morts à la guerre. La fièvre du centenaire a fait qu'il y a eu des travaux sur le sport et la Grande Guerre, mais pas forcément sur les sportifs qui sont morts. Une seule personne, hein, mais qui est un historien amateur, qui est Michel Merkel, a dressé la liste selon ses propres critères de ce qu'il appellerait un sportif de haut niveau. Il a dressé la liste donc de ces sportifs de haut niveau qui seraient décédés pendant la Première Guerre mondiale, et il l'adresse à 424. Voilà. Si on rentre dans le détail, on a des vainqueurs du Tour de France, hein, comme Lucien Petit-Breton, François Favert, Octave Lapize. On a 22 internationaux de l'équipe de France de football, 21 de l'équipe de France de rugby. C'est 15% aussi des médaillés de la délégation française aux Jeux Olympiques de 1912, hein, dont Jean Bouin. Je vous ai mis un exemple, hein, la finale de rugby du championnat de France de 1914 qui a opposé donc l'AS Perpignan au stade Auceste-Tarbes. Dans les champions de France perpignanais, il y en a 7 qui vont mourir quelques semaines plus tard dans les tranchées, en sachant qu'à l'époque, il n'y a pas de remplaçant. Hein, donc, on joue à 15 contre 15, quoi qu'il arrive. Hein, donc, s'il y a des blessés, on joue à 14, 13, 12, voire moins. Hein, donc, c'est véritablement... Hein, voilà, sur 15, on a la moitié de l'effectif qui est mort. Hein. Je vous ai mis aussi un petit chiffre un peu plus local, hein, que j'ai trouvé dans les archives des Ardennes, notamment. Le football club de Mouron, qui maintenant fait partie de la commune de Charleville-Mézières. Donc, sur ces sections football, cross-country et athlétisme, on a 70 membres. Sur ces 70 membres, 40 vont être appelés, hein, mobilisés, et 17 seront tués. Hein, voilà. Voilà. C'est aussi des centaines de monuments, de plaques qui vont orner les stades et les gymnases, hein, honorant aussi des sportifs amateurs. Hein. Donc là, je vous ai mis une photo que j'ai découverte dans mon périple à la recherche donc, des monuments aux morts sportifs. Donc là, c'est dans l'Ariège, à Saint-Girons, donc c'est un monument qui se trouve dans le stade de rugby à la mémoire du Saint-Girons Sporting Club, des membres qui sont morts pour la France. Hein. Donc on en trouve énormément dans tous les stades et gymnases français. Voilà. Alors revenons au soldat Jean Bouin. Je vous ai mis donc la fiche militaire. Donc Jean Bouin, il est incorporé au 163e régiment d'infanterie qui est basé à Nice et sera mobilisé donc le 5 août 1914. Donc mi-septembre, il va rejoindre le front. Alors, pourquoi cet écart entre le 5 août et mi-septembre ? Donc, il y a deux versions qui vont s'affronter. Donc, la première, c'est que le général Gallieni aurait souhaité qu'il reste à l'arrière pour assurer la préparation des réservistes. C'est notamment une stratégie qu'a utilisé l'état-major allemand, qui a souhaité donc épargner ses sportifs de haut niveau et qui s'en est servi pour préparer justement les militaires. suite à la mort de Jean Bouin, c'est une option aussi que prendra l'état-major avec Georges Carpentier, qui est l'autre figure également sportive de l'époque, et le boxeur. Donc il va combattre dans les tranchées, il sera blessé, et à son retour de blessure, on ne l'enverra pas dans les tranchées, il va servir à entraîner notamment les troupes avant leur engagement. La seconde version, c'est qu'on aurait trouvé une hypertrophie cardiaque à Jean Bouin, qui l'aurait rendu inapte, et donc lui, la légende voudrait qu'il se soit opposé à ça pour justement aller combattre dans les tranchées. Alors, le sport va servir véritablement de levier patriotique. Donc, Henri Desgranges, le directeur de l'auto, dès les premiers jours de la guerre, va dans un éditorial du journal transposer une théorie qui est la théorie du grand match. Donc, pour lui, la guerre est l'équivalent d'un match. Donc, ce ne sont plus des adversaires, mais des ennemis, et il faudra utiliser des aptitudes physiques. Donc là, en l'occurrence, il faudra faire montre donc de la tactique, de feinte, utiliser le démarrage. Et donc, chaque bataille est une mi-temps. Donc, pour Henri Desgranges, on a gagné la première manche à Iéna. Donc, vous le savez mieux que moi, ben, on a perdu la seconde à Sedan. Et pour lui, ben, il faut faire la belle. Hein, donc, c'est la belle. Et la belle, ça sera la Première Guerre mondiale. Voilà. Voilà. Et donc, l'auto-vélo à sa création, à partir de 1902, ce n'est plus que l'auto, le nom, va créer des feuilletons. Donc, si on regarde tous les jours, dans le journal de l'auto, pendant la Première Guerre mondiale, il y a une page qui est consacrée aux sportifs dans les tranchées. On nous donne des informations quand ils ont des décorations, quand ils ont la croix de guerre, quand ils sont blessés. Certains, même quand ils sont blessés, les Parisiens viennent donner des nouvelles à la rédaction. Et on en a aussi pour Jean Bouin. Bon, la guerre de Jean Bouin, malheureusement, va être très courte, hein, puisqu'elle va durer 54 jours. Hein, mais on aura donc quelques notices, hein, notamment quand il est mobilisé. Voilà. Donc Jean Bouin meurt le 29 septembre à Givré, et dès lors un mythe va se mettre en place. Donc les derniers travaux, notamment de Xavier Breuil, du service historique de la Société Générale, et de Bernard Macario, dans un ouvrage qui s'appelle Jean Bouin, héros du sport, héros de la Grande Guerre, les derniers travaux de recherche montrent que Jean Bouin aurait été tué suite à une erreur de l'artillerie française. Ordre a été donné de quitter la tranchée avant qu'elle soit pilonnée, et cet ordre ne serait jamais arrivé, et donc malheureusement les soldats étant dans les tranchées ont été pilonnés par l'artillerie française, et donc Jean Bouin. Donc, vous vous doutez bien que Jean Bouin étant l'icône du sport, on ne peut pas décemment dire aux Français que la superstar du sport français a été tuée suite à une erreur de l'artillerie française. Donc, on va maquiller véritablement les circonstances de la mort, et quitte à les maquiller, mettons-y beaucoup de fond de teint. Donc, qu'est-ce qu'on va y faire, notamment sur l'affiche du journal de marche opération du 163e régiment d'infanterie, déjà, on ne va pas mentionner la mort de Jean Bouin. Généralement, quand une personnalité meurt, sur le journal de marche opération, on le mentionne. C'est le cas notamment de sportifs comme le rugbyman perpignanais Aimé Giral ou des cyclistes comme Léon Comès. Quand ils sont décédés, sur le journal de marché opération, c'est mentionné. Donc là, je vous ai mis l'extrait donc, pour la journée du 29 septembre de la journée de marché opération du 163e régiment d'infanterie de Jean Bouin. Ça n'apparaît nulle part. On voit le chiffre de 66 tués pour la journée, hein, mais nullement le nom de Jean Bouin. La presse, bien évidemment, va créer une mort qui pourrait être héroïque. Donc là, c'est un extrait du Cri catalan du 17 octobre 1914 qui va donc nous mentionner la mort de Jean Bouin. Donc Jean Bouin ne serait pas mort d'une erreur d'artillerie, il serait mort, bien évidemment, logiquement, comme un chevalier, torse tendu, front levé, regard ébloui, et une fois tué par les balles, dans un dernier souffle, il aurait crié, bien évidemment, « Vive la France, vengez-moi !» Voilà. Donc on va véritablement construire une figure héroïque, celle du chevalier, du patriote, qui va affronter les balles torse tendu. Voilà. Et on va diffuser également la dernière lettre de Jean Bouin, hein, on va la diffuser post-mortem, car celle-ci est vraiment empreinte d'un grand patriotisme. Hein. Jean Bouin appelle à dresser le drapeau français à Berlin, il veut le voir flotter, et il reprend la thèse lui aussi du grand match. Hein. Il dit en effet, dans ce match actuel, qui est la Première Guerre mondiale, nous avons une plus belle chance. Voilà. Donc, on va véritablement assister à une mythification donc, de la mort de Jean Bouin, et pour créer un mythe, il faut des lieux. Donc, on va créer des lieux de pèlerinage. Donc, il y a une légende aussi qui va se développer, c'est de savoir où est passé le corps de Jean Bouin, à tel point que Lotto, notamment, devra démentir cela hein, dans un article où va expliquer où a été enterré Jean Bouin. Donc Jean Bouin, une fois qu'il est tué le 29 septembre à Xivray, il va être enterré avec donc d'autres soldats à quelques lignes, donc à quelques kilomètres de la ligne de front, à Bouconville-sur-Matte, dans la Meuse, au château de Bouconville, et notamment en présence de Paul Dédier, qui sera lui aussi licencié au club athlétique de la Société Générale, hein, où est licencié Jean Bouin, puisque je vous ai dit qu'il était sponsorisé par la Société Générale. Et malheureusement, quelques heures après l'inhumation, le château est bombardé par l'artillerie allemande et il va tomber en ruine. Donc, beaucoup de soldats vont se photographier autour de la tombe de Jean Bouin et ils vont envoyer donc les photos à la rédaction de Lotto. Et Lotto, donc, dans un article, mentionne qu'il fait justement une collection de toutes ces photos-là qu'il met en salle de rédaction. Voilà. Donc c'est un premier lieu. Le second lieu, ça sera toujours à Bouconville sur Matte. On va ériger donc une stèle à Jean Bouin pour le cinquantenaire de la mort de Jean Bouin, hein, donc avec quelques mois de retard. Et notamment cette stèle sera financée par la Société Générale et la Fédération Française d'Athlétisme. Donc elle sera située sur la place Jean Bouin à Bouconville sur Matte. Adossé à l'église, hein, justement, il y aura une contestation du secrétaire des monuments historiques qui souhaite que la stèle soit posée à un autre endroit, puisque l'église est classée monument historique, hein, mais on parle d'un héros national, donc peu importe le classement de l'église, on va quand même le mettre sur la place Jean Bouin. Voilà. Et on va l'inaugurer le 23 avril 1966 devant un parterre donc, de figures de l'athlétisme français, donc, c'est-à-dire les gloires de l'époque, hein, Alain Mimoun, hein, donc, le champion olympique de marathon, ou Michel Bernard, hein, le grand rival de Michel Jazy pour l'époque. Hein. Et l'après-midi, il y aura un meeting d'athlétisme qui se déroulera. C'est une coutume qui va se dérouler généralement quand on inaugure des monuments aux morts d'associations sportives. Généralement, l'après-midi, il y a soit un match de football, soit un meeting d'athlétisme. C'est aussi le cas pour des monuments aux morts classiques, communaux. Généralement, l'après-midi, il y a une fête et généralement, il y a des épreuves de sport. Voilà. Le troisième lieu, ce sera donc dans sa ville natale hein, de Marseille. On va donc ériger une statue. Donc là, c'est créé à l'initiative d'Arthur Gibassier, qui est un journaliste sportif et l'ancien entraîneur de Jean Bouin, quand il était à Marseille. Ensuite, Jean Bouin ira s'entraîner à Reims, hein, dans la région de la Champagne, où va être mis en place un collège donc, moderne pour les sportifs de haut niveau. Et donc, le petit Provençal va organiser une réunion d'athlétisme dont le but est de financer la statue. Et la municipalité va également participer puisqu'elle va financer le socle. On va prendre un sculpteur très célèbre qui est Constantin Roux, qui est Grand Prix de Rome. Pour certains monuments d'associations sportives, on a pris de grands sculpteurs. C'est notamment le cas pour le monument du Stade Toulousain, hein, donc à Toulouse, qui s'appelle Héraclès Larcher. On a pris donc c'est le grand sculpteur Antoine Brodel qui a financé et érigé donc le monument, qui est la statue justement d'un archer, voilà, Héraclès. Et il l'inaugurait donc le 5 juin 1922 devant un parterre de personnalités, puisqu'on a des personnalités sportives, Georges Carpentier, qui est ami avec Jean Bouin. On a également des personnalités politiques, on a donc le haut commissaire au sport, Henri Pathé, ce qui est l'équivalent pour l'époque du secrétaire d'État au sport, quand le sport est sous tutelle. Et ensuite, donc, on a également la famille, dont sa veuve. On va également rapatrier la dépouille du champion. Et justement, ce rapatriement va faire donc l'occasion également d'un autre monument, puisqu'on va réaliser un buste qui va orner sa dernière demeure, au cimetière Saint-Pierre. Voilà. Et donc, on va avoir là aussi un immense cortège qui va se constituer le jour de son rapatriement. Voilà. On va ensuite créer une figure d'immortel. Donc, je vous ai dit, c'est à travers donc, la diffusion de la lettre post-mortem, mais également, on va diffuser les photos de Jean Bouin en tant que soldat, sa dernière photo dans la presse. On aura également un éditorial d'Henri Desgranges, donc le 3 novembre 1914, où il va donc comparer la cathédrale de Reims, qui subira les dommages des bombardements allemands pendant la Première Guerre mondiale, et qui va tomber donc sous le feu. Et Henri Desgranges, dans cet éditorial, va la comparer à Jean Bouin, qui, en quelque sorte, lui aussi a subi les flammes, puisque sa dernière demeure a été également les flammes, puisque le château de Bouconville a brûlé. Voilà. Et on va lui chercher un héritier, et cet héritier-là, ça sera Joseph Guillaumont. Donc Joseph Guillaumont partage des points communs avec Jean Bouin, c'est un soldat de la Première Guerre mondiale, c'est également un athlète sur les épreuves de fond, et c'est également un Marseillais. Alors lui sera Marseillais d'adoption, pas de naissance, mais à la différence de Jean Bouin, c'est que lui survivra à la Première Guerre mondiale et il gagnera le 5000 mètres aux Jeux Olympiques de 1920. Et le jour de sa victoire, justement, on titre une grande victoire française, Guillaumont venge Bouin. Voilà. On va mettre en place également une stratégie mercantiliste, notamment l'auto va diffuser des breloques à l'effigie de Jean Bouin. Et les lecteurs de l'auto vélo peuvent acheter donc cette petite médaille où il y a la figure de Jean Bouin pour 1,40 franc. Et on va également créer un véritable musée. C'est notamment sa sœur Antonia qui va créer son musée, c'est-à-dire c'est la chambre de Jean Bouin en l'état à laquelle il l'a laissé à sa mobilisation. Et les journaux vont pouvoir visiter, puisque là, Paris Soir, dans un article en 1938, c'est-à-dire quasiment 25 ans après la mort de Jean Bouin, on va visiter cette chambre-là et faire des articles. Et ensuite, on va lui rendre hommage en faisant des minutes de silence. Donc là, je vous ai mis l'extrait donc, tiré de l'Est républicain où, lors d'un match entre le stade universitaire Lorraine et le club olympique de Billancourt, 10 ans après la mort de Jean Bouin, le match commencera par une minute de silence en l'honneur de Jean Bouin. L'odonyme Jean Bouin est actuellement le sportif français qui a le plus de noms de voies publiques à son nom. Ce n'est pas Jacques Anquetil, ce n'est pas Alain Mimoun, c'est Jean Bouin, avec 169 noms de voies publiques à son nom. On retrouve des stades, bien évidemment, je vous ai mis la photo du stade Jean Bouin, dans lequel joue le stade français à top 14, mais il y a également d'autres équipes célèbres qui jouent ou ont joué dans les stades Jean Bouin, notamment le SCO d'Angers en Ligue 1, joué jusqu'à l'an dernier au stade Jean Bouin. Ils l'ont baptisé stade Raymond Coppa, puisque Raymond Coppa est décédé l'année dernière, et Raymond Coppa a été formé à Angers, donc du coup ils l'ont baptisé stade Raymond Coppa, mais le Nîmes Olympique aussi a joué pendant très longtemps au stade Jean Bouin. Il y a bien évidemment à Marseille, le stade Vélodrome, on a une tribune Jean Bouin. Donc on a énormément de gymnases, de piscines qui ont le nom de Jean Bouin, et même un gâteau, il y a un gâteau qui s'appelle le Jean Bouin. Alors ne me demandez pas ce qu'il y a dedans, je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas j'ai vu la trace d'un gâteau qui s'appelle, une spécialité qui s'appelle le Jean Bouin. Voilà. Donc bilan de cette présentation, on a véritablement construit une figure d'exception qui va au-delà du palmarès de Jean Bouin, puisque Jean Bouin a été un sportif d'exception, mais d'autres sportifs d'exception sont morts pendant la Première Guerre mondiale sans qu'on ait un tel mythe. On a construit une image qui est à la fois donc celle d'un saint martyr, si on pense véritablement aux reliques, à ces breloques qui sont vendues, mais aussi d'un côté un peu mythologique, hein, qui se rattacherait notamment à la figure de Patrocle, hein, donc ce sportif, soldat, mort pendant la guerre, enterré avec son frère d'armes. Hein, donc là, ça serait Paul Dédier, qui était licencié également au club athlétique de la Société Générale comme Jean Bouin. Et donc pour terminer, je terminerai avec une petite citation qui montre bien qu'on a affaire à une figure de héros. C'est le journaliste Gaston Ragoneau, qui dans l'Auto est du 9 décembre 1943, hein, c'est quasiment 30 ans après la mort de Jean Bouin. Il nous dit donc qu'il est de belles histoires qu'on raconte aux enfants, de belles histoires qui commencent par « Il était une fois » et qui parlent de fées, d'enchanteurs, de personnages merveilleux. Et il en est d'autres que les hommes se transmettent de génération en génération et qui chantent les exploits de quelques héros du temps passé. Parmi celles-ci, connaissez-vous celle de Jean Bouin? Voilà. Jean Bouin, ce n'est pas un conte, hein, mais Jean Bouin, c'est voilà, l'histoire d'un héros et d'un héros dont il faut chanter donc, les mérites. Hein. Donc, je vous ai mis une petite bibliographie sur laquelle je me suis appuyé, notamment donc, les ouvrages de Xavier Breuil, René Espana et Bernard Macario, et aussi un fonds de presse avec donc l'Auto, l'athlétisme, la revue de la Fédération française d'athlétisme, mais également un fonds de presse régionale. Donc je vous remercie pour votre attention.